franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur la spectaculaire évasion d'Antonio Ferrara de la prison de Fresnes. Des scènes dignes d'un film de guerre. Voilà comment les riverains parlent aujourd'hui encore des faits qui se sont déroulés il y a près de 12 ans par une nuit de printemps aux abords de la deuxième plus grande prison de France située à quelques kilomètres de Paris. Ce soir-là, le 12 mars 2003, grâce à plusieurs complices, Antonio Ferrara, un détenu fiché au grand banditisme, se faisait la belle en sortant par la grande porte de l'établissement pénitentiaire. Ce soir-là, pour la première fois, on braquait une prison comme on braquerait un fourgon de transport de fonds, c'est-à-dire à coups d'explosifs, de lance-roquettes et de fusils mitrailleurs. Pour l'État, le pied de nez est immense, humiliant. Alors, par effet domino, l'affaire Ferrara va aller jusqu'à remettre en cause la politique d'encadrement des détenus et l'organisation même du système pénitentiaire. Dans le même temps, la police lance la chasse à l'ennemi public numéro 2 et, 4 mois plus tard, les policiers l'interpellent en plein cœur de Paris. Pour Antonio Ferrara, le roi de la belle, retour à la casse-prison. Notre invité pour revenir sur ces événements, c'est l'ancienne journaliste de Libération, Patricia Tourangeau, aujourd'hui journaliste indépendante. Elle a couvert pour le quotidien toute l'affaire, de ses débuts jusqu'à son dénouement judiciaire. Affaires Sensibles, l'émission de France Inter, en partenariat avec Libération, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA, attachée de production Léa Dupouy-Henquin et Ida Bory, programmation musicale Thierry Dupin, coordination Christophe Barrère, réalisation Joseph Carabalona, Coyen Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Clément Vuillet, Kevin Pelot. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Mercredi 12 mars 2003, maison d'arrêt de Fresnes, banlieue sud de Paris. La nuit est fraîche, la nuit est claire. Tout semble tranquille dans le quartier qui entoure le centre pénitentiaire. Ici, derrière d'épais murs d'enceinte, dorment près de 2200 détenus condamnés à des peines plus ou moins longues. Certains sont là, dans l'attente de leur jugement, d'autres sont amenés en attendant d'être renvoyés ailleurs. Bastion pénitentiaire, prison dure et modèle Fresnes, que l'on surnomme aussi la forteresse, est un nom qui résonne souvent dans les salles d'audience de la région parisienne dès qu'il est question de mise en détention. Fresnes, une prison dont personne n'a réussi à s'échapper depuis 54 ans. Autre signe distinctif de cette maison d'arrêt, elle est située au cœur même de la ville, à l'instar de la prison de la Santé à Paris. À Fresnes, le complexe pénitentiaire est entouré d'immeubles HLM. Une situation qui, pense-t-on, ne représente pas de danger particulier pour la sécurité. Quand on s'évade, en principe, on s'éloigne de la prison. En cette nuit du mercredi 12 mars 2003, vers 4h du matin, plusieurs véhicules de gros cylindrés remontent l'allée des Thuyas le long du centre pénitentiaire. Puis les voitures se garent face au mur sud-est, à proximité de l'entrée de service. Une douzaine d'hommes vêtus de noir et cagoulés descendent. Ils sont désormais aux portes de la prison. Parmi les riverains réveillés par le vacarme, l'un d'eux a le réflexe d'enregistrer la scène sur son caméscope, celle-là même qui sera reprise en boucle dans les journaux télévisés. Car ces images sont stupéfiantes. On y voit un mirador de la prison pris pour cible par plusieurs individus. On voit aussi l'explosion contre la porte de service avec étincelles et panaches de fumée. De sa fenêtre, un jeune garçon assiste à la scène, il raconte. J'ai réveillé ma mère et puis en fait on a regardé, on voyait les types, j'ai dit « Ah tiens, c'est les policiers, ils sont déjà là et tout ». En fait, c'était des criminels. Et juste au moment où j'en regardais un, ils ont commencé à tirer. Et puis, boum, ça a eu plein de ricochets et d'impacts sur les voitures, et même au-dessus de la fenêtre, pas loin de nous. Alors, on s'est caché et puis on a attendu qu'ils partent. Malgré son épais blindage, la porte arrière de la prison ne résiste pas à l'explosion et aux tirs de roquettes. Défoncée, elle permet aux malfaiteurs de pénétrer au cœur même de l'institution pénitentiaire. Au même moment, les détenus, sans doute conscients de ce qui est en train de se passer, se mettent eux aussi à crier, frapper contre leurs barreaux, ce qui ne fait qu'ajouter à la confusion. Puis, quelques minutes plus tard, dans ce vacarme, une seconde détonation de plus faible puissance retentit dans l'enceinte de la prison, tout près du quartier disciplinaire. Les rafales de mitraillettes et leur crépitement reprennent et couvrent avec eux la sortie de commando. Les hommes remontent dans leurs véhicules et démarrent en trombe. Un peu plus loin, d'autres complices mettent le feu à des voitures pour couvrir leur fuite. Christian Bouchot, surveillant la maison d'arrêt qui habite à quelques dizaines de mètres de la prison, assiste de chez lui à la scène, impuissant. C'était la guerre, quoi. Enfin, pour moi, c'était comme un commando, quoi. C'était militaire, presque. Vous avez pu distinguer l'équipement de ces hommes ? J'ai vu, moi, la première chose que j'ai dit, tiens, c'est la police, parce qu'ils étaient équipés un peu comme les policiers. Bon, après, je me suis rendu compte, quand même, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont partis avec une voiture équipée d'un gyrophare. Dans le quart d'heure qui suit, le quartier est bouclé par les forces de police. La prison de Fresnes est le lieu d'un délit. Un délit contre l'institution judiciaire, un délit contre le pouvoir de l'État, un délit d'évasion. Au petit matin, alors que le jour se lève sur la région parisienne, les policiers quadrillent toujours la zone à proximité de l'enceinte sud de la prison. Ils sont à la recherche du moindre indice. Quant à l'information, un détenu qui s'est fait la belle de la prison de Fresnes, elle fait déjà la une dans toutes les rédactions. Mais au-delà de l'évasion, ce qui retient l'attention, c'est le côté spectaculaire de l'action, du jamais vu en France. Car ici, le prisonnier n'a pas simplement faussé compagnie à ses gardiens lors d'un transfert ou grâce à un subterfuge bien ficelé. Non, non. Ici, des hommes sont venus le libérer à l'arme de guerre, à l'explosif et au lance-roquettes. En d'autres termes, on a braqué une prison. Il faut remonter à 1983 et l'évasion par hélicoptère du braqueur Michel Vaujour de la prison de la Santé pour retrouver une telle audace. Un peu plus tard, vers 7h30, sur France Inter, le reporter Sébastien Logénie donne davantage de précisions sur le déroulement des événements de la nuit et surtout sur l'identité de l'individu qui s'est échappé. L'opération de ce matin est quasiment une opération militaire. C'est un commando extrêmement lourdement armé qui a fait le coup. On ne sait pas pour l'instant exactement le nombre de personnes. On parle pour l'instant de 4 à 5 personnes qui composaient ce commando. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont d'abord fait diversion en mitraillant les deux miradors de Fresnes à la Kalachnikov. Deuxième temps, ils font exploser une des portes d'entrée du centre pénitentiaire au Bazooka. Ça s'est entendu dans tout Fresnes. Il s'agit de la porte d'entrée, en fait, de livraison. La porte qui donne sur le quartier disciplinaire. Et c'est là que se trouve Antonio Ferrara, donc le détenu évadé ce matin. C'est lui qui, semble-t-il, aurait fait exploser lui-même la porte d'entrée de sa cellule. Ferrara est bien connu des services pénitentiaires. Il est condamné pour vol à main armée, pour homicide volontaire. Il s'était déjà évadé de l'hôpital de Corbeil il y a 2 ans. Et puis surtout, l'été dernier, à la prison de la Santé, on avait déjà retrouvé de l'explosif à l'intérieur de la cellule. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision, donc l'été dernier, de le transférer à la prison de Fresnes. Remonter le parcours de Ferrara, considéré par beaucoup comme le roi de la belle ou encore l'artificier du milieu, c'est prendre le chemin de la cité HLM Gabrielle de Choisy-le-Roi, un endroit où il débarque à l'âge de 10 ans, 1983, en provenance d'Italie avec ses parents, sa sœur et ses 5 frères. Son père vend des pizzas dans un camion ambulant au pied des tours, sa mère gagne sa vie grâce à de petits ménages. Pour le jeune Antonio, l'adaptation à cette nouvelle vie est difficile, ne serait-ce qu'avec la barrière de la langue. À l'âge de 16 ans, il quitte l'école et enchaîne de petits boulots. Une semaine, il est plombier, une autre, nettoyeur de train, serveur. Il enchaîne également les allers-retours en Italie avec son père pendant que ses frères, eux, donnent dans le trafic de drogue, dans le quartier. En 1995, la brigade des stupéfiants organise une grande descente dans les cités. Les policiers sont là pour interpeller les gros bonnets qui gèrent le trafic. Parmi eux, il y a Luigi Ferrara, l'un des frères de la famille Ferrara. Mais il recherche aussi Antonio, qui semble être devenu l'un des rouages du système. Un mandat d'arrêt est délivré contre lui. À ce moment-là, Antonio Ferrara, qui n'a que 22 ans, entame sa première cavale. Oh, bien sûr, il n'a pas le réseau, les moyens pour s'exfiltrer très loin. Alors il va se cacher dans les environs. Il est sans argent et c'est là qu'il semble basculer dans la grande délinquance. On retrouve sa trace en novembre de la même année dans une sale histoire de règlement de compte dans un hôtel de Choisy. Le petit délinquant de banlieue a basculé dans le grand banditisme. S'enchaînent alors plusieurs braquages, dont celui d'une agence bancaire choisie sur Seine au début de l'année 1997. Antonio Ferrara fait ici ses premières armes de braqueur, de façon assez paradoxale d'ailleurs. Il apparaît rigoureux et professionnel, utilisant des armes de gros calibre, gardant son sang-froid, mais il peut se montrer amateur, ne portant pas de cagoule. On l'identifie grâce au système de vidéosurveillance qu'il n'a même pas pensé à débrancher. Qui plus est, le butin pour de si gros risques est bien maigre, seulement 20 000 francs de l'époque, soit un peu plus de 3 000 euros. Quelques mois plus tard, en mai 1997, il est repris par la police à Paris. Fin de la cavale, direction la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Mais c'est mal connaître Ferrara que de penser un seul instant qu'il va rester enfermé pendant plus d'un an, le temps d'être jugé. C'est pourquoi il va mûrir et élaborer à l'aide de complices un astucieux stratagème pour fausser compagnie à l'institution pénitentiaire. Au mois d'août 1998, il demande à être examiné par l'infirmière de la prison pour une douleur au pied qui l'empêche de marcher. Comme la prison ne possède pas de poste médical avancé, décision est prise de l'emmener par fourgon à l'hôpital de Corbeil-Essonne où il doit être examiné. L'administration pénitentiaire ne juge pas nécessaire d'encadrer sa sortie. Erreur fatale, car dans la salle d'attente de l'hôpital, alors qu'il patiente avec ses gardiens, trois hommes cagoulés font irruption, armés de pistolets et mettent en joue les surveillants, comme le raconte leur représentant syndical. Les complices se sont arrivés par derrière, par ici. En quelques secondes, on maîtrisait sans aucun problème les quatre surveillants pénitentiaires qui sont complètement impuissants, puisque non formés, non armés. Il a fallu simplement un coup de boulon et le détenu et les deux, trois complices sont partis. Des gaz lacrymogènes, des armes et un renseignement solide sur l'arrivée du détenu ont permis à ses complices d'intervenir en l'espace de quelques minutes seulement, au cœur d'un hôpital public, à côté des patients, à côté des médecins. Et en plus, pour un résultat net et sans bavure, si l'on peut dire, Antonio Ferrara s'est fait la belle. Le braqueur réalise là son premier pied de nez à l'institution pénitentiaire et reprend pour l'occasion sa vie de bandit en cavale. Cette fois, il choisit de quitter Paris et se réfugie sur la Côte d'Azur. On dit qu'il se rapproche de la mafia et de la pègre, celle des Corses et des Marseillais avec lesquels il va tremper pendant 4 ans dans une série de braquages à l'arme lourde et à l'explosif. Les explosifs, justement. La grande spécialité d'Antonio Ferrara et plus particulièrement le système de parabole, un procédé qui permet de découper un accès dans le blindage des fourgons, idéal pour braquer les tirelires de la Brinks, comme on dit dans le milieu. Pendant 4 ans, son nom revient aussi dans différents hold-up dans la région parisienne, mais également dans le sud, à Toulouse notamment. On le dit ami de José Manconi, un cadre du milieu avec lequel il aurait réalisé de grands coups. Toujours est-il que Ferrara reste insaisissable au propre, comme au figuré. Il faut attendre le 13 juillet 2002 pour que les policiers qui le filent depuis plusieurs mois ne l'interpellent enfin. L'homme, un Italien de 29 ans, était recherché depuis 4 ans par les services de police. Antonio Ferrara a été arrêté hier matin à Tismons, en région parisienne, alors qu'il sortait de son domicile pour prendre sa moto devant cette gare. Les policiers de l'Office central pour la répression du banditisme retrouveront sur lui un calibre de 9 mm. À son domicile, plusieurs faux passeports, 30 000 euros en liquide et un plan d'attaque de fourgon. Antonio Ferrara est soupçonné d'être l'un des auteurs de plusieurs braquages survenus en région parisienne ces dernières années, comme ici à Gentilly en décembre 2000. Une attaque spectaculaire de fourgons blindés aux portes de Paris qui s'était achevée par une vague d'arrestations, mais l'ensemble des malfaiteurs n'avait pu être appréhendé. Selon divers éléments recoupés par les enquêteurs, Ferrara serait également impliqué dans l'attaque de ce fourgon à Nanterre en mai 2000. Il aurait également participé au braquage d'un bureau de poste à Joinville, en région parisienne toujours. Et c'est le retour en prison, avant de comparaître une nouvelle fois devant la justice. Mais là encore, c'est sans compter sur cette nuit du 13 mars 2002 où ses complices viendront le délivrer. Antonio Nino Ferrara se fait la belle pour la deuxième fois. Résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? chose que Kiko demande. Le premier être que l'on regarde, les premiers moments que l'on garde. Mais quel est ce vent qui me glace le dos, qui me regarde? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée on se repose? Kiko demande ensuite si l'on peut revenir, si le temps peut sourire, s'il faut s'unir, s'il fallait recommencer, s'il fallait oublier. Je pense bien que je serai pas le dernier à regarder d'abord, à suivre, à être encore quand il faut devenir, ou s'il faut encore moins tard pour un qui s'en va. Mais quel est donc ce vent qui passe, qui me regarde et qui me glace? Et notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée on se repose? Silent lips, sad and tremulous. Sur place à la prison de Fresnes, en cette matinée du 13 mars 2002, quelques heures seulement après la spectaculaire évasion d'Antonio Ferrara, l'heure est à l'état des lieux. L'enquête est confiée à la BRB, Brigade de répression du banditisme, et à l'OCRB, Office central de répression du banditisme, des superflics en charge de traquer les truands de haut vol. Car cette affaire, celle d'une évasion spectaculaire, fait évidemment grand bruit. D'autant plus qu'elle intervient moins d'une semaine après l'évasion de Manconi de la prison de Borgo, en Corse. Deux affaires qui jettent le discrédit sur toute l'institution judiciaire. Présent à Fresnes, le garde des Sceaux, Dominique Perben, réagit au micro de France Inter. Des complices, sans foi ni loi, utilisent des armes excessivement dangereuses, utilisent des explosifs pour faire sortir certains de leurs complices. Il nous faut donc nous adapter, car il n'est pas question de laisser faire ce type de comportement. De leur côté, les policiers ne traînent pas dans leurs investigations. Première constatation sur les miradors qui surplombent les murs de la prison, 84 impacts de balles, pour la plupart de calibre 7,62, celui de fusil mitrailleur. Au sol, pas loin de la porte, les policiers mettent aussi la main sur un détonateur et un kit de déclenchement qui semble avoir été laissé par les malfaiteurs. On retrouve aussi des quantités impressionnantes de douille. L'affaire semble avoir été réalisée par des professionnels avec un mode opératoire quasi militaire. Alors, dans ces conditions, pourra-t-on retrouver leurs traces ? Les policiers découvrent des indices surprenants qui vont les mettre sur des pistes sérieuses et confirmer leur présomption sur les événements qui se sont déroulés dans la prison quelques heures plus tôt. Tout d'abord, à proximité de la porte de service, là où a lieu la première explosion, l'endroit où est entré le commando, on retrouve des traces de sang. Y aurait-il eu un blessé durant l'assaut? L'artificier du groupe aurait-il été touché par le souffle de l'explosion? Il ne fait aucun doute pour les enquêteurs que ce sang appartenait bien à un complice présumé d'Antonio Ferrara. Deuxième surprise. En inspectant la cellule, les policiers se rendent compte qu'elle a été le lieu d'une double explosion pour faire sauter les barreaux. Une de l'extérieur, probablement l'œuvre des complices de Ferrara, classique. Mais beaucoup plus étonnant, une explosion semble avoir eu lieu à l'intérieur de la cellule, ce qui expliquerait que les barreaux soient tordus vers l'extérieur et que la cellule soit ainsi dévastée. De surcroît, on retrouve plusieurs centaines de grammes d'explosifs dans la cellule planquée à côté des toilettes. Pour les enquêteurs, il ne fait alors aucun doute que Ferrara bénéficiait d'une complicité des surveillants ou de l'administration pénitentiaire. Enfin, troisième élément. Dans la précipitation, Antonio Ferrara a semble-t-il oublié sa veste sur le lit dans sa cellule. Dans l'une de ses poches, les policiers retrouvent un téléphone portable. Et à leur grande stupéfaction, dans l'historique du téléphone, ils retrouvent un appel en absence et un message vocal. Les enquêteurs tombent des nues. L'un des malfrats aurait composé le numéro de Ferrara sans le vouloir, un pocket call comme on dit, alors qu'avec ses complices, il fuyait en voiture. En écoutant la conversation, les policiers comprennent que l'un des individus, un dénommé Doumé, semble avoir été gravement blessé à l'œil lors de l'assaut. Plusieurs fois, on entend aussi le nom de Achoui. Achoui, le braqueur, ferait-il référence à Karim Achoui, son propre avocat? Ce dernier serait-il aussi impliqué dans l'affaire? De son côté, l'avocat que l'on dit proche du milieu des braqueurs s'en défend et clame haut et fort qu'il est victime d'un procès en sorcellerie. Mais pour le directeur régional de l'administration pénitentiaire, Jean-Marc Chauvet, il est probable que c'est le parloir avec son avocat qui a permis à Ferrara d'enclencher son plan d'évasion. Jean-Marc Chauvet s'en explique face à la caméra de France 3. Après une visite de son avocat, il a refusé la fouille à corps. Et il savait pertinemment que le refus de cette fouille à corps allait le conduire au quartier disciplinaire, c'est clair. Donc il savait, c'est vrai, là où il allait se trouver. Ça pourrait être la première étape d'un plan d'évasion. Ça peut être la première étape. Le quartier disciplinaire, en effet, se situe à quelques dizaines de mètres seulement de la porte de service que les complices de Ferrara ont fait sauter à l'explosif. Si Ferrara ne s'était pas retrouvé là, il aurait été beaucoup plus compliqué, voire impossible pour lui, de quitter la prison. Alors très vite dans les médias, son évasion se transforme en une affaire, Ferrara qui ébranle la classe politique autour de cette question. Les prisons françaises sont-elles sûres? Car 6 mois avant de s'évader de Fresnes, Antonio Ferrara y avait été conduit après qu'on a découvert dans sa cellule de la prison de la Santé une quantité importante d'explosifs. Comment un détenu comme lui, fiché au grand banditisme et qui s'est déjà évadé par le passé surtout, n'a-t-il pas été placé sous meilleure garde? Conscient du danger, les syndicats de surveillants pénitentiaires demandent de nouvelles mesures pour mieux surveiller les détenus dangereux et surtout éviter que ne se reproduise ce genre de scénario. Les policiers travaillent d'arrache-pied pour interpeller Ferrara qui a désormais le statut d'ennemi public numéro 2. On cible ses proches, ses contacts dans le milieu, surveillance, filature et patience. Antonio Ferrara ne le sait pas, mais l'étau se resserre. Grâce à des écoutes téléphoniques et la localisation des téléphones cellulaires, après 4 mois de traque, les hommes de la BRB tiennent le bon bout. Et puis les policiers ont le vent en poupe. Quelques jours plus tôt, début juillet, ils ont arrêté l'ennemi public numéro 1, Yvan Colonna, accusé du meurtre du préfet Erignac. Alors pourquoi pas l'ennemi public numéro 2 ? De fait, dans la semaine qui suit, Ferrara est repéré à Paris dans un bar de la rue de Bercy. Il est là, assis à la terrasse d'un café avec 2 autres individus, tranquille. Mais il a modifié son apparence. Cheveux teints, bronzés, amaigris, on le reconnaît quand même. Alors dans les minutes qui suivent, 40 policiers se positionnent à l'intérieur et à l'extérieur du bar. Et c'est ainsi qu'ils arrêtent Ferrara en douceur. Le malfrat n'oppose aucune résistance. Le lendemain, le patron de la BRB, Hervé Lafranc, explique comment le fugitif a pu rester aussi longtemps dans la nature, car c'est quand même une vraie question. Je pense que Ferrara, comme tous les malfaiteurs qui sont dans le grand banditisme, est un gars qui bouge beaucoup, qui a les moyens de se déplacer, qui bénéficie de soutien très, très actif et très efficace. La qualité des faux papiers dont il disposait lui permet de passer malheureusement quasiment sans difficulté un contrôle de police de routine, je dirais. Donc ce sont des gars qui peuvent se déplacer et lui s'est déplacé. Où, comment, avec qui, et en vous en donner les précisions, je ne peux pas aujourd'hui, mais je sais qu'il s'est déplacé et encore récemment. Sachez simplement que les éléments dont on dispose sont intéressants et nous permettront certainement de rebondir rapidement. C'est pas un garçon qui va s'épancher énormément, c'est pas le genre de la maison. Il nous a simplement dit hier soir, rapidement, encore l'OCRB, encore la BRB. Bon, ça, je crois qu'il a pris un coup sérieux au moral parce qu'il s'attendait pas, bien sûr, à être interpellé aussi rapidement. La cavale du roi de la Belle aura duré en tout et pour tout 4 mois. Pour Ferrara désormais, fini le soleil de la Côte d'Azur, retour à l'ombre, en prison et cette fois à Fleury-Mérogis. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'évasion spectaculaire de Fresnes. Notre invitée, c'est la journaliste Patricia Touranchaud qui a couvert ces événements à l'époque pour le journal Libération, notre partenaire. Aux enquêteurs qui l'interrogent pendant plusieurs jours, Antonio Ferrara ne dit rien, absolument rien. Placé à l'isolement, il est désormais le détenu le plus surveillé de France. En permanence, ce ne sont pas moins de 27 gardiens qui veillent. Pour ses avocats, Ferrara, qui n'a pourtant pas de sang sur les mains, est traité plus mal encore qu'à Michel Fourniret, qui lui a séquestré, violé et assassiné plusieurs jeunes filles. Pourquoi ? Est-ce un moyen pour l'État de se venger du double affront que lui a fait l'artificier du milieu ? Après 5 ans d'enfermement, en octobre 2008, Ferrara retrouve la lumière ainsi que les autres prévenus qui comparaissent tous ensemble devant la cour d'assises spéciale de Paris pour répondre de la spectaculaire évasion de Fresnes. Les conditions de sécurité sont exceptionnelles, à l'extérieur comme à l'intérieur du palais de justice. À l'issue de la première journée, le journaliste d'Antenne 2, Dominique Verdi, en témoigne de l'attitude de Ferrara devant la cour. Il est assez rare de voir un accusé aussi souriant dans le box, compte tenu d'abord de son casier judiciaire et ensuite de ce qu'il encourt. Il était visiblement ravi de retrouver certains de ses co-accusés. D'ailleurs, il a parlé avec quelques-uns d'entre eux. Il était visiblement aussi ravi d'être sorti de sa cellule. Lorsque la présidente de la cour d'assises lui a demandé, comme c'est la procédure, quel était son domicile au moment de son arrestation, il a répondu du tac au tac, eh bien ça fait 5 ans que je suis à l'isolement. Il était visiblement aussi impressionné, comme tous ceux qui étaient dans la cour d'assises, par le dispositif de sécurité à l'intérieur de la salle d'audience. Dans le box, il y a autant de gendarmes que d'accusés. Le sentiment qu'on a ce matin, si vous voulez, c'est que du côté de la police et de la justice, on a l'ambition que ce procès, qui doit durer 2 mois, soit déjà terminé, tellement l'évasion ici est devenue obsessionnelle. Effectivement, Ferrara n'est pas seul dans le box des accusés. Il y a aussi certains de ses complices dans l'évasion. Le blessé, Dominique Battini, aussi Karim Achoui, l'ancien avocat d'Antonio Ferrara, accusé d'avoir organisé un parloir pour donner le top départ de l'évasion. On retrouve également un ancien gardien de la prison de Fresnes, accusé d'avoir donné à Ferrara les explosifs qui lui ont permis de faire sauter les barreaux de sa cellule. Les audiences se déroulent sous haute tension. Une bagarre finit même par éclater dans le box des accusés entre détenus et gendarmes. Ferrara rappelle tout le monde à l'ordre. Alors, la cour mesure mieux le rôle du chef qu'il s'est donné. Après 2 mois de procès, le verdict est rendu le 15 décembre 2008 sous les insultes. Ferrara n'est pas présent dans la salle d'audience. Il est condamné à 17 ans de prison. Son ancien avocat, Karim Achoui, prend 7 ans et le gardien complice 12 ans. Les autres écopent de peine allant de 4 à 10 ans de prison. En appel, en 2010, Ferrara sera condamné à 11 ans de réclusion. Son ancien avocat Karim Achoui, lui, sera innocenté. Par la suite s'ouvrent d'autres procès du roi de la Belle, pour tentative d'assassinat de 1995, puis pour les multiples braquages de fourgons, mais à chaque fois, il est acquitté. Comme si pour la justice, le plus grand crime de Ferrara, c'était l'évasion, qui pour l'ordre public rime avec affront. Affaire sensible aujourd'hui, l'évasion de Fresnes. Vous l'avez remarqué, on se croirait dans un bon Verneuil ou un bon Melville. Et pourtant, c'est la réalité dont nous allons parler avec vous, Patricia Touranchot. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez couvert cette affaire, hein, vraiment du début jusqu'à la fin, jusqu'au procès. Quel souvenir déjà en gardez-vous? De toutes ces ribambelles de procès, là, je me souviens surtout d'un Nino Ferrara avec un humour incroyable, quoi. Un moral d'acier, d'abord, vraiment. Et il est drôle, quoi. Il est une espèce de gouaille. Il se moque gentiment, disons, des jurés, des présidents ou présidentes de cours d'assises, mais ça passe. Par exemple, il essaye de dédouaner tout le monde. Par exemple, à un des procès, pour dédouaner le surveillant de prison, Crozise, qui a été condamné quand même à 12 ans, pour lui avoir fourni de l'explosif, etc., lui disait, mais non, c'est... Alors, le président disait, qui vous apporte ça dans la cellule ? Un pigeon voyageur, monsieur le président. Alors, évidemment, tout le monde se gondole dans la salle. Et après, le président lui dit, ouais, mais enfin bon, il vous apporte de l'explosif, un gilet pare-balles, des téléphones, et il dit, bah ouais, il était dopé, le pigeon voyageur, monsieur le président. Enfin, et tout est comme ça avec lui. Donc, en fait, on se marre, mais il se moque gentiment, il est pas irrespectueux, quoi. Il fait partie de ces justiciables qui se mettent en scène, probablement un peu mégalo, hein. Ouais, évidemment, il a son petit côté mégalo comme tous, mais il est plus gentil. Enfin, il apparaît plus gentil, plus moins calculateur, si vous voulez. Il apparaît comme sympathique à vos yeux. Bah, vous avez le droit, hein, cela dit. Ouais, oui. Il m'apparaît comme sympathique et pas qu'à moi, parce que je me souviens le procès de son évasion, le commissaire Molmy, Christophe Molmy, donc de l'Office central de répression du banditisme, est venu parler de lui, donc de ses actions, de ses faits et gestes, mais il a dit, alors attendez, Molmy quand même, lors de l'arrestation à Bercy, là au Peanuts Café, ça se passe pas si bien que ça, parce que Ferrara essaye de dégainer un pistolet automatique Tokarev. Et du coup, le commissaire Molmy lui colle deux coups de poing dans la figure. Et Ferrara a un nion sous l'œil. Le commissaire Molmy se blesse, en fait, en lui tapant dessus. Et il se retrouve avec un bras dans le plâtre. Donc, le commissaire réapparaît en garde à vue avec Ferrara et lui montre son plâtre. Et Ferrara va lui dédicacer son plâtre. Et il lui a marqué sans rancune dessus. Voilà. Et Molmy, par exemple, a dit devant la cour d'assises, Ferrara, il est ce qu'il est, mais c'est un garçon attachant. Et à quoi ressemble-t-il ? Ou à quoi ressemble-t-il ? Parce que évidemment, c'est un freluquet. Les physiques évoluent avec l'âge. Ouais, mais c'est un petit gabarit. Ouais. C'est un petit gabarit d'1m66, sans talonnette, qui est pas très beau, hein, qui a le nez un peu de travers, mais il a une espèce de gouaille et un sourire ravageur. Donc il fait du charme à tout le monde, aux avocates, aux jurés, à la salle, aux flics, en garde à vue, par exemple. Il retrouvait des policiers qu'il avait déjà vus. Et alors, il avait un petit mot pour chacun. Ah ben tiens, c'est bien, là, vous vous êtes rasé la moustache, c'est mieux. Ah, madame, à une policière, il lui dit, vous avez perdu quelques kilos, ça vous va bien quand même. Donc c'est le mec, il est comme ça, il a la tchatche et... alors, il embrouille tout le monde. Mais finalement, Nino Ferrara, on pense, a priori, il était réputé comme étant l'artificier sur les braquages de fourgons, avec le système de la parabole, un système aussi de cadres remplis d'explosifs qui étaient apposés sur la porte du blindé, et quand il le faisait sauter, ça découpait une fenêtre dans le fourgon, juste pour attraper les sacs, en fait. Donc, Nino Ferrara avait soi-disant cette spécialité. Mais à ce jour, et il a passé tous ses procès, hein. Il a passé une 12 ou 13 procès d'assises quand même, Ferrara. Il n'a pas été condamné pour une attaque de fourgon blindé. Voilà, donc il n'est pas l'artificier officiellement. Mais officieusement, dans les faits. Bon, vous n'étiez pas, évidemment. Oui, ça, c'est... On peut pas le dire. Il faut pas le dire. Bon. Alors, finalement, s'il est libéré, donc, par ses complices, est-ce que c'est parce que ses complices l'admirent? Est-ce que c'est parce qu'ils considèrent que Ferrara ne mérite pas d'aller en prison? Ou est-ce qu'il y aurait des raisons plus prosaïques? Je sais pas, un magot quelque part, à récupérer, à se partager? Alors, il a été question d'un commando à sa solde qui aurait été payé. En réalité, c'est sûrement autre chose. C'est sûrement parce que ses potes ont besoin de lui aussi. Voilà. C'est la raison la plus plausible à mes yeux, enfin en tout cas aux yeux des enquêteurs. Alors, voilà. Mais oui. Il faut le faire, que 12 mecs se déplacent comme ça et attaquent une prison à la manière d'une attaque de fourgon blindé. comme vous l'avez dit, c'est du jamais vu, c'est totalement inédit. Ils ont pris des gros moyens. Mais Nino Ferrara est très lié, quoi, avec certaines familles corses, marseillaises, etc. Et peut-être qu'on a besoin de lui sur certains coups aussi. Faut pas le négliger. Mais non, on le néglige pas. La preuve, c'est qu'on l'aborde. Parmi les hommes du commando, la plupart sont connus effectivement du milieu corse et marseillais. Alors, donc ça, apparemment, c'est une phase importante dans le parcours de Ferrara quand il entre dans ces milieux-là. Comment ça se passe précisément? Est-ce qu'on vient le chercher? Est-ce qu'il investit ce milieu-là? Mais non, c'est pendant ses cavales. Mmh. Il y a une première cavale, comme vous l'avez dit, après la razzia, la descente de policiers dans le quartier de Choisy-le-Roi pour une affaire de cam, donc ça c'est 95. Il prend la tangente, il se barre, donc déjà il y a 2 ans de cavale. Et ensuite, quand il s'évade de l'hôpital, donc il y a 4 ans de cavale, et là en cavale, on noue des relations. On vient pas le chercher forcément, mais lui, voilà, c'est un milieu où les gens se connaissent, et les fugitifs se connaissent et se cooptent. Voilà, par exemple, José Manconi, le Corse qui à l'époque est en cavale pour le meurtre d'un légionnaire en Corse, dit qu'il a rencontré Ferrara à Saint-Tropez, dans une boîte, et que Nino Ferrara, soi-disant, était attablé avec Bruce Willis et Claudia Schiffer. Rien il a dit un procès. On ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, les deux se rencontrent apparemment dans le Sud. Hmm. Voilà. Après, la dernière cavale de Ferrara, c'est aussi dans le Sud, c'est à Saint-Raphaël, dans le Var, où là, il se fait appeler Monsieur Max, il s'est décoloré les cheveux, et il arrose tout le monde dans les boîtes, etc. Il appelle tout le monde mon pote. Et c'est la grande vie. En fait, voilà, donc il noue des relations comme ça. Mais en tout cas, son entrée dans l'école du grand banditisme, je pense que c'est vraiment entre 98 et 2002. Là, pendant cette cavale-là, c'est là où, a priori, il a participé, ou il aurait participé, parce qu'il n'est pas condamné pour ça, à des vols à main armée contre des fourgons, et peut-être a pris le maniement d'explosifs. Et est-ce qu'on peut dire que le milieu a besoin de figures charismatiques comme ça, parce qu'il y en a eu d'autres, souvent comme ça, des gens comme beaucoup de facondes, sont souvent mégalos, faut quand même le dire, ils recherchent un peu la notoriété, et puis qu'on les admire, et qu'ils soient assimilés à des personnages de films, parce que peut-être qu'il faut relier aussi aux œuvres, bon, dans le cinéma français, des Verneuil, des Melville, comme je le disais. C'est-à-dire que dans les cités de banlieue, en fait, Nino Ferrara, c'est l'exemple pour les gamins de banlieue de celui, et même pour les policiers, c'est celui qui fait la charnière, justement, entre les petits voyous de banlieue et le grand banditisme. Mmh. Et il incarne, en fait, une génération intermédiaire. Et après son évasion, il est devenu un héros, malgré lui. Enfin, il peut être mégalo, il est peut-être mégalo, mais en tout cas, signer une évasion aussi spectaculaire bien que celle-ci fait que, inévitablement, dans les cités maintenant, les héros, c'est qui? C'est Nino Ferrara et c'est Tony Montana de Scarface, en gros. Voilà. D'accord. Alors, ça fait le malheur, en revanche, de l'administration pénitentiaire. Parce que c'est un vrai traumatisme. Hein. C'est un défi, là. Défi, on va y venir. Hein. La grande question que soulève cette évasion, donc, c'est aussi la sûreté des prisons françaises. Comment on garde les détenus les plus dangereux? Est-ce qu'on les garde bien? On va écouter ensemble ce qu'en dit ce gardien de prison, Enoldo Joie, au nom du syndicat qu'il représente, l'UFAP, l'Union fédérale de l'administration pénitentiaire. On l'écoute, on en parle après. L'établissement spécialisé pour les types de cas comme Ferrara ou d'autres encore que nous connaissons bien, que sont des détenus du grand banditisme, on demande qu'ils aient des établissements spécialisés. Nous ne demandons pas des QHS dans le temps des quartiers haute sécurité, mais avoir des établissements qui puissent gérer et qui puissent pallier à ce genre de choses. Alors, vous n'êtes pas ministre de la Justice, moi. Vous avez une opinion peut-être concernant ce que vient de dire ce gardien qui dit en même temps, pour les plus dangereux, il ne s'agit pas de revenir au QHS, un quartier de haute sécurité qui ont été abolis. Mais enfin, c'est une façon d'y revenir quand même, ce qu'il dit. On sait très bien que les quartiers d'isolement actuels, qui sont quand même ultra sécurisés, sont ni plus ni moins que les QHS d'avant, déjà dans la réalité. Donc, Ferrara, par exemple, après son évasion décembre de 2013, a passé quand même 7 ans à l'isolement. 7 ans sans, il s'en est plaint un petit peu, lui qui est toujours bravache, qui affiche un moral d'acier. Au bout de 5 ans, à un procès, il a dit voilà, je suis tout seul en cours de promenade, je suis tout seul quand je vais faire le sport, je suis tout seul en cellule. Le soleil n'a pas touché ma peau depuis 5 ans à l'époque. Et pour parler à ses proches au parloir, il avait une vitre en plexiglas qui faisait 15 cm d'épaisseur. Donc c'est pas... Voilà, ils sont déjà ultra... un moment, à Fleury-Mérogis, il avait 28 personnes, 28 surveillants de prison attachés à sa petite personne à lui. Ouais. Parce qu'il se relayait, etc. Ils étaient, là, il était en quartier d'isolement, en tant que détenu particulièrement signalé, DPS. Donc ça, je veux dire, dans toutes les prisons françaises, il y a des quartiers d'isolement comme ça. Donc, je vois pas comment on peut renforcer la sécurité dans les prisons. Il y aura toujours des petites failles. Il y aura, voilà, là, il a été construit une centrale pénitentiaire qui est absolument atroce, à Condé-sur-Lescaut, où les détenus pètent les plombs parce que tout est dépersonnalisé, tout est déshumanisé, tout est blanc comme un hôpital. Il y a plus de clés, il y a plus de matons, c'est des caméras. Les prisons de Chalon-Don qui ont ouvert voilà, ça. C'est les nouvelles prisons. Ouais. Voilà, ben, elle est plus récente. Hein. Elle a celle-là, deux ans. Non, mais c'est ouais. Les prisons de Chalon-Don, voilà, voilà. Qui était ministre de la Justice, la première cohabitation, qui a ouvert cette voie des prisons déshumanisées, si tant est qu'une prison soit humaine hein, aussi. Parce oui. Que notre... oui, mais il y a des détenus, enfin même eux, même les détenus aux longues peines, disent que certaines centrales pénitentiaires, même comme Saint-Maur et tout, sont plus humaines que Condé-sur-Lescaut. Et je pense qu'on peut pas, je vois pas comment l'administration pénitentiaire peut renforcer encore la sécurité. Voilà, c'est pas possible. Effectivement, 5 ans dans les conditions que vous venez de raconter en DPS pour les détenus particulièrement surveillés, 5 ans signalé, comme ça, ça doit être signalé. Ouais. Ça doit être très très long. C'est, c'est le jour sans fin, quoi. Ouais, c'est ouais. Le jour sans fin il pendant 2 ans. Ans de plus après, enfin 7 ans, jusqu'à ce qu'il soit acquitté en fait dans la tentative d'attaque d'un fourgon à Toulouse et puis dans l'attaque d'un fourgon blindé Port de Gentilly. Donc 2 acquittements en 2010-2011 ont fait qu'il a été transféré dans une maison d'arrêt normale. Bon, avec des mesures de sécurité, bien évidemment, à Lille. Et là, après, ça allait mieux. Alors maintenant, il est devenu papa, quand même, hein, Nino Ferrara. Ça, vous savez pas, il a fait une formation de coiffeur. Ah, mais je vous écoute, mais je découvre avec beaucoup d'intérêt, de passion. Et il a une petite fille il y a 2 ans ouais. Avec sa compagne. Donc maintenant, il a presque 42 ans. Voilà, donc il est devenu papa. Et là, alors, si tout va bien, ses avocats comptent officiellement, il devrait sortir en 2027. Ah ouais, c'est pas demain. C'est quand même loin. Mais s'il continue à se comporter comme ça, il sortira vraisemblablement avant. Et à son dernier procès, d'ailleurs, où il a été encore acquitté là pour l'affaire du braquage de Joinville-le-Pont, il a dit au président voilà, quand je serai en liberté, je viendrai vous voir, les avocats généraux, les avocats, je viendrai dans les cours d'assises, mais de l'autre côté, etc. J'ai compris que finalement, à une époque, je pensais que ma liberté n'avait pas de prix, mais aujourd'hui, je pense que la liberté en général n'a pas de prix. Bon, il a promis de sortir par la grande porte. Bon, il va finir par écrire un livre. Il n'est pas fan de ça. Hein. Bon, mais vous dites donc, vous le connaissez bien. Dites-moi. Bah de loin, hein, de loin dans les, ah bon. À force de le, ouais. Une douzaine de procès, j'ai quasiment assisté à tous, mais je l'ai jamais rencontré en vrai parce que quand il est en liberté, il est en cavale, donc c'est un peu compliqué et tout. Non, mais c'est intéressant de voir la vie de ces braqueurs. Enfin, ou d'autres. Mais... Ou d'autres. Mm. On va se retrouver, Patricia Touranchot, dans 3 ou 4 minutes. Le temps d'écouter M, c'était en 2003. La chanson disait « Qui de nous deux ?» Bras de bois, fictif, acoustique, féline électrique, ami. Patricia Touranchot, vous qui avez couvert cette affaire Ferrara de l'évasion jusqu'au procès, notamment au procès, est-ce que vous avez eu le sentiment que le ministère public, hein, qui représente l'État, était devenu le vrai Ferrara était devenu le vrai adversaire parce qu'il s'était évadé, parce qu'il avait fait un pied de nez à l'administration pénitentiaire? Est-ce qu'il y avait ce poids-là? Ah oui, au niveau de l'avocat général, mais aussi de la présidente Jeanine Drey, qui les a jugés, enfin les 17, pour le premier procès de cette évasion, elle était clairement tendue et à charge parce que c'était trop ce qu'ils avaient fait. Donc dès le départ, ça s'est mal passé avec cette présidente qui était assez cassante. Mmh. Et en même temps, on avait en face 17 gros voyous quand même qui étaient soupçonnés d'avoir participé à cette évasion. Donc c'est un procès qui s'est très très mal passé. Et en appel, lui, la position de Ferrara, c'était d'admettre enfin, oui bien sûr c'est moi qu'on est venu délivrer, mais moi j'étais pas au courant. En gros, il expliquait au procès en appel, il dit moi j'ignorais tous ces préparatifs pour me délivrer, hein. Alors il disait j'étais pas au courant tout en étant le premier concerné. Les gens disaient, non mais attendez, et continuaient à faire l'innocent. Alors il disait vers février 2003 on m'a dit Alors, il y a bon, c'est quoi, dit le président? Ça veut dire c'est bon. Ok, alors moi j'ai dit il y a bon, mais j'ai rien demandé moi. Alors tous ces gens qui sont venus me chercher, je me demandais si c'était pas trompé, etc. Enfin bon, il jouait au débile, quoi. Donc un côté, oui, un côté je me mets en scène, quoi. Toujours. Oui, toujours, un côté toujours, je me mets en scène. Il y a toujours et, ça. Et puis hein. En même temps, je continue le pied de nez et je me moque du monde et donc je continue à me moquer de l'administration pénitentiaire qui n'a pas supporté quand même ce défi et qui est la seule à avoir gardé une dent et une rancune contre Ferrara. Alors si on se souvient de Ferrara, c'est donc pour ces raisons, c'est essentiellement pour cette évasion qu'on a racontée, qui est spectaculaire. Il y en a une autre en France qui était incroyablement spectaculaire, qui s'est déroulée d'ailleurs en 1986 et non pas en 1983, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une erreur, il faut rectifier. C'est l'évasion de Michel Vaujour, alors qu'il est exfiltré de la prison en hélicoptère, enfin à partir d'un hélicoptère. Par sa femme. Par sa Nadine. Hein, Nadine Vaujour. Ouais. Ça, c'est quand même énorme. Quoi. Et Nadine, alors Nadine, c'est une fille qui avait peur de conduire une voiture. Voilà. Et qui, par amour pour son mec, a pris des cours de pilotage d'hélicoptère. Et elle lui a fait passer, quand elle a été prête, quand elle a eu son brevet, qu'elle était capable de piloter un hélico, elle lui a fait passer un message sur une radio, une émission de radio qui était pour les détenus. Et elle lui a dit l'amour donne des ailes. C'était ça le top départ. Mmh. Et donc le lendemain, lui, il est monté en haut, je crois, à la bibliothèque de la maison d'arrêt, de la prison de la santé. Et elle, du coup, elle a piloté l'hélico au-dessus. Elle s'était habillée en combinaison, etc. Elle disait, mais jamais je ne me serais cru capable d'un tel exploit, quoi. Enfin, puis pour elle, c'était même pas un exploit. C'était naturel qu'elle ait fait ça pour son mec, quoi. Elle lui a lâché un filin. Elle avait imposé qu'il n'y ait pas d'armes dans cette affaire. Il n'y avait pas d'armes. Il y avait des armes factices, mais pas des véritables armes. Et ça, c'était elle qui l'avait imposé. Elle voulait pas que ce soit un bain de sang. Et donc, elle a arraché son mec de sur le toit de la prison. Voilà, ils sont envolés, ils sont partis en cavale. Vous avez rencontré Vaujour? Oui, et Vaujour, quand il est sorti, après de prison, j'avais fait son portrait. Et Nadine aussi, dont j'avais fait le portrait, que je continue à voir, quoi. Mm-hmm. Mais elle a vraiment du cran. Et après, bon, la belle histoire, c'est un peu mal terminée parce que elle a quand même fait de la prison pour avoir participé à cette évasion. Elle a eu ses deux enfants avec Michel en prison. Et un jour, bon, elle a été libérée, elle a voulu arrêter, élever les enfants. Et Michel lui demandait de recommencer, qu'il allait crever là, qu'il voulait pas crever dans une espèce de caveau, dans les quartiers d'isolement et tout, et lui demandait de rempiler et de recommencer. Et elle n'a pas, voilà, elle a refusé. Elle a dit non, c'est plus possible. J'élève les enfants et c'est plus possible. Et donc, il a cessé la relation et voilà, il a trouvé une autre pour le faire évader. Ça a raté. En tout cas, merci pour ce teasing, parce que cette histoire-là, elle est passionnante, elle est spectaculaire, elle fera l'objet d'un numéro d'Affaires Sensibles. Et évidemment, voilà. On ne peut pas passer à côté de cette évasion-là, totalement romanesque en plus. Hein, y a une dimension romanesque que vous avez bien expliquée. Dernière chose, quel rôle exact a joué cet avocat, Karim Achoui, qui a écrit un livre il y a quelques années, donc finalement il a été acquitté, il a quand même été condamné une première fois, et puis acquitté, il est avocat, donc il fait partie du système judiciaire. Quel est cet homme de ce que vous en savez? Disons que Karim Achoui est un avocat considéré par, en tout cas, les policiers comme un peu borderline. En tout cas, il n'y avait pas les preuves pour le condamner dans cette affaire, puisque il était censé, l'accusation lui reprochait en fait d'avoir donné le top départ à Ferrara pour qu'il refuse la fouille de manière à se faire punir et donc d'aller au mitard de Fresnes qui se trouvait au rez-de-chaussée de la prison, donc plus facilement attaquable. Sauf que c'est pas Achoui qui est venu, c'est un de ses collaborateurs. Ouais. Bon, donc déjà, alors, certes, le collaborateur a dit j'ai un message, on s'occupe de tout, mais je pense que voilà, il a été acquitté, donc on n'en parle plus. Bien, en tout cas, merci Patricia Tourancheau pour tous ces détails et votre connaissance encyclopédique de cette affaire-là et de quelques autres autour. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'évasion de Ferrara de la prison de Fresnes, un numéro en partenariat avec le journal Libération, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.